Voilà. Ah, salut mon ami. J'ai un son excellent, mais t'es un peu à contre-jour là. Tu vois? Ah ah, oui, j'ai le soleil sur le côté. Parce que ouais. Si j'ai le soleil en face, alors là, ça sera pire que. Ouais. Mais comme il fait un peu frais, bon. Ben, je me suis quand même mis au soleil. Mais t'as très bien fait. Ouais. Comment vas-tu? Eh ben, ça va. Là, il y a déjà eu un soulagement. Oui. Après le passage du coronavirus, bon, c'était un premier soulagement. Deuxième, c'est la petite fille. D'accord. Qui est arrivée. D'accord. Voilà. Et maintenant, il nous reste l'affaire de la grand-mère. Voilà. D'accord. Bon, mais ça, c'est ta femme qui s'en occupe, parce qu'à distance, ça ne doit pas être facile, la grand-mère. Hein? T'as disparu? Philippe. Bon, il y a eu une saute, là, c'est bizarre. Ouais, il y a eu un blanc. T'as une bonne connexion, là, sur le jardin? Bah, oui, sauf quand tout d'un coup, elle saute et que, voilà. Ah. J'espère que ça ne va pas se faire tout le temps. Oui, bah, de toute façon... Mais de temps en temps, c'est la boîte de ma fille, et donc, bon, c'est une vieille boîte, j'espère que... Ils vont penser à la changer bientôt. Ouais. Et puis c'est free, alors je ne sais pas ce que ça vaut. C'est la totale, quoi. Une vieille boîte plus free, etc. Alors, raconte-moi tout ce que tu deviens. Donc, te voilà un heureux grand-père, à nouveau, pour la deuxième fois. D'accord. Encore grand-père. Je n'ai toujours pas récupéré Sylvie qui est à Strasbourg. D'accord. Puisqu'elle travaille. Bon, elle a repris du poil de la bête, donc ça y est, c'est reparti. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, on se pose réellement les questions. Elle se pose de plus en plus la question de savoir si elle va s'arrêter ou pas. Quoi. Parce qu'entre les petits-enfants et puis ses deux parents, avec elle qui va revenir, enfin, la mamie qui va revenir, qu'on va mettre dans un lit médicalisé, qui va avoir plein d'assistants toute la journée, enfin, ça va être chaud. Hein. Et ça se passera à Nanterre, alors? Alors, oui, c'est ça. Moi, je préconisais pour que ça se passe ailleurs, parce que Nanterre, c'est un endroit de mort pour moi. C'est tourné en circuit fermé, c'est le cocon dans lequel, en fait, on se morfond et on devient de plus en plus petit. Et ça, bah, les grands-parents ne l'ont pas compris. En tout cas, elle, la grand-mère, ne l'a pas comprise. Et puis, je crois que maintenant, vu son état de fatigue, ça sera plutôt moins je pense et mieux je me porte. Quoi. Bon, alors, d'accord. Bon. On va essayer de gérer ça. On a déjà connu ça avec un couple dont le mari avait eu un AVC et qui a passé un an et demi comme légume. Et ça, c'est vraiment pas rigolo. Ah oui, ça, c'est l'horreur. Ça. C'est l'horreur. Oui. D'où la nécessité de bien signer ces directives anticipées. Hein. Oui, oui. Ça, c'est important, parce que quand tu te retrouves là-dedans... Bon, à part ça, alors j'ai vu que tu as été très prolixe, que tu as... J'ai enrichi un petit peu le site, oui. Ah oui, un peu, beaucoup même, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et comment as-tu pu faire tout ça tout d'un coup, là, parce que c'est arrivé sans crier garde? C'est ça, c'est en fait tout d'un coup je me suis senti inspiré, puis je me suis dit qu'il fallait aller de l'avant. Maintenant, il fallait... C'est bien. Il fallait avancer. Voilà. Très et donc, bien. Maintenant, c'est signé. La déclaration de première page, elle est signée et c'est un engagement à vie. Oh. Bien. Alors, on va laisser la mobilette passer. Voilà. Ça y est, elle est passée. Bon. Eh bien, voilà, mais c'est bien, cet engagement, c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, tu t'es fait un petit programme, quoique c'est pas simple avec le corona, mais t'es fixé des étapes, tu t'es... Bon, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'au niveau programme, j'observe Sylvie qui avance. parce que c'est ma moitié. Hein. Donc, j'avance, mais je veux avancer aussi avec elle. Donc, je l'attends. Si elle a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir saisir cette chance, en fait, de le jardin merveilleux, pour l'instant, elle n'a pas véritablement saisi. Elle s'en intéresse de temps en temps, mais en fait, c'est un peu... on est quand même un peu ballotté, quoi, ces temps-ci. Hein. Comme j'avais envoyé un petit message à toi et à Sylvie en disant, vous pouvez regarder Hold Up. Bon. Moi, je l'ai vu, parce que c'est vrai qu'à ne lire que les commentaires officiels sont dénigrants. C'est-à-dire, c'est du fake, et donc, veuillez ne pas regarder, ça n'a aucun intérêt. Mais quand tu regardes le commentaire, tu vois quand même que... Même s'il y a du fake, il y a du fake aussi dans l'officiel. Et que donc, il y a vraiment à se poser des questions. Il faut au moins poser des questions. Ça, c'est la chose que j'ai retenue de ces 2h30 de film. Quelles questions principales ? Quelles sont les questions principales que Hold Up t'a amené à faire ressortir ? Ben, en fait, les questions principales, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une décision, elle tient à quoi ? Et que les raisons invoquées ne sont pas forcément les bonnes. Et pourtant, personne ne réagit. Et c'est là le problème. C'est qu'en fait, on a plutôt tendance à penser que la population se laisse faire comme des moutons. Sauf que ça commence à réagir un petit peu. C'est-à-dire, il y en a qui disent, même dans l'Europe et aux États-Unis, il y en a qui disent ça suffit, quoi. Enfin, c'est quand même. Il y a quand même énormément de bizarreries qui sont montrées. Alors, c'est vrai que dans ce film, il y a un petit côté. Oui, complot, ça fait un peu complotiste. Mais c'est pas. En fait, moi, je ne l'ai pas senti. J'en ai connu d'autres, des documentaires qui étaient singulièrement complotistes. C'est-à-dire en disant tout ça s'est organisé, c'est de la foutaise. Là, c'est plutôt montrant des incohérences qui se suivent les unes les autres et qui devraient en fait nous poser des questions et qui finalement ne font bouger personne. Voilà le problème. Donc, alors, je ne partage pas du tout ce que tu viens de dire, mais je trouve intéressant ta démarche. Des questions, je parle de moi là maintenant, à titre personnel, je m'en pose tous les jours et j'essaye de me poser les bonnes questions. Et je n'ai pas besoin, si tu veux, d'interférer, que ces bonnes questions soient interférées par un documentaire, par ci, par ça, etc. Je pense que notre information doit nous amener à prendre les bonnes décisions. Effectivement, certaines sont révoltantes. Effectivement, on voit comment les peuples ont du mal à disposer d'eux-mêmes. Hein, c'est très compliqué, ça. Et d'ailleurs, nos anciens se sont expliqués là-dessus. Mais je sais pas. Bon, j'ai vu quelques extraits de ce hold-up là, mais bon, j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas été très sensibilisé par ça. Maintenant, de ce qui se passe de par le monde, moi je suis extrêmement attentif à tout ce qui se passe par le monde et j'essaye de me poser les bonnes questions, quoi. Bon, et j'essaye d'abord de m'informer, de bien m'informer, d'avoir des sources fiables, hein. Et que l'information soit bien vérifiée, ça c'est mon premier critère, et à partir de là, je pense que je peux être souverain de moi-même et maître de moi-même, et me poser les bonnes questions. Voilà. Bon, mais... Oui. En fait, ce qui m'interpelle là-dedans, et qui me conforte un peu dans le projet Jardin Merveilleux, c'est la peur. C'est la peur, en fait, qui est répandue... À travers le coronavirus, à travers le terrorisme, à travers les précédentes épidémies, hein, de H1N1, et puis maintenant on commence à parler aussi d'une mutation de virus, nouveau virus pour les volailles, qui va faire que ça va être encore la croix et la bannière pour les éleveurs. Enfin, il y a une information qui en fait a tendance à susciter la peur. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça a toujours été, Philippe, la peur. Mm. Tu as d'ailleurs une fable de La Fontaine qui parle très bien de ça, je ne sais plus laquelle, mais bon, cette peur, elle a toujours existé. Depuis des millénaires, les hommes ont peur. Mm. Et les sages sont là pour les... comment dirais-je ? Pour leur montrer le bon chemin. Le bon chemin, c'est pas dans la peur que tu vas le trouver. Le bon chemin, c'est parce que tu es éclairé, parce que tu es entre de bonnes mains, quoi. Voilà, trouver des bonnes personnes qui t'accompagnent. Moi, je suis ravi d'échanger avec toi. Ça m'apporte un bien fou, mais je te promets, hein. D'ailleurs, tu vas peut-être l'entendre dans mon arbre de vie. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de parler avec toi parce que c'est des moments où je peux souffler, quoi, où je peux me reprendre et vivre sans peur. Oui. Parce que je me sens parfaitement libre dans la mesure de mes moyens. Voilà. Bon, donc, quant au jardin merveilleux, souvent tu as cette dichotomie à gérer entre les malheurs du XXIe siècle et le jardin qui est là pour apaiser, quoi. Bon. Oui. Mais moi, je laisserai de côté tout ce qui est négatif dans notre vie pour se consacrer uniquement à du positif, à ce jardin et à vraiment le rendre merveilleux. Mais c'est un apprentissage. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui pose beaucoup de questions au niveau du jardin merveilleux, c'est la notion d'échelle. Quand on regarde un peu les informations, on est matraqué. Tu peux être matraqué matin, midi, soir, même plus que ça. Donc, en fait, tu vis dans une espèce de dynamique de peur. Comment ? Qui est généralisée par l'importance des médias qui véhiculent ça. Comment un petit jardin comme ça, c'est là que je me pose la question, comment un petit jardin comme ça, sans miracle, pourra vaincre ce genre de choses ? Alors, pour moi, c'est excessivement simple, si tu veux, la question que tu te poses. Parce que là, tu te poses bien la bonne question. Comment ce jardin merveilleux peut-il nous grandir et nous permettre d'aller vers le merveilleux, vers le divin, et en laissant de côté toutes ces peurs. Je crois qu'il te faut un bouclier. Il te faut un bouclier, une interface entre toi et ton jardin. Et cette interface, bon, bah, ça peut être le rapport qu'on a ensemble, si tu veux. Oui. Je pense que j'essaye d'être apaisant, moi. J'ai besoin de m'apaiser aussi, parce que moi aussi j'ai mes peurs, moi aussi j'ai mes inquiétudes. Mais je pense que c'est en travaillant sur ce jardin, en le rendant accessible à tous et à toutes, de façon à que tout un chacun puisse passer du jardin au merveilleux, quoi. C'est bon. Voilà. Alors, pour illustrer un peu mon propos, je vais, si tu en es d'accord, te lire, parce que cette fois-ci j'ai écrit, composé des phrases, je n'ai pas que des notes. J'ai écrit un petit texte qui est inspiré de plein de réflexions personnelles, de réflexions de gens qui méritent de nous instruire sur Internet, parce qu'il y a des choses intéressantes sur Internet. Et je vais te faire un mixte de ma proposition quant à notre arbre de vie. Est-ce que tu en es d'accord ? Allez, c'est parti. Je t'écoute. Alors, voilà le thème de notre travail numéro 4, hein, qui s'appelle l'arbre de vie. Mais de quel arbre de vie parlons-nous ? car selon les traditions, les différentes traditions, il y en aurait plusieurs. Alors commençons par celui de la Kabbale. La Kabbale, c'est la tradition juive. Et cette Kabbale illustre sa démarche et son arbre de vie par un arbre dit séphirotique. Cet arbre séphirotique a vu le jour au XIIe siècle à peu près, et il peut être vu comme la représentation du processus de création mettant à l'œuvre tant le macrocosme, qu'est l'univers, que le microcosme, qu'est l'être humain. La mystique de la Kabbale juive utilise l'arbre de vie pour tenter de distinguer l'essence infinie, Ein Sof, d'un Dieu unique et créateur, de la manière dont il a créé, à partir du vide, donc ex nihilo, ce monde fini qui est le soft et ce monde qui est le nôtre. Ça va, tu m'as entendu ? Tout à fait, j'écoute. Alors, on va laisser l'avion passer. Ah, dis donc, c'est le micro, en fait, qui à partir du moment où on arrête de parler, qui monte, en fait, sa sensibilité et qui fait que l'avion que j'entends à peine, tu l'entends beaucoup plus fort. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Alors, bon. En fait, tant que, oui, de temps en temps, il faut que je dise oui, comme ça, ça calme le micro. Bon, donc, voilà un des arbres de vie, celui de la Kabbale. Je crois que ça pourra faire partie d'un autre travail pour bien expliquer cette démarche qui est passionnante, extrêmement complexe, mais passionnante. Et je pense que la mystique de la Kabbale, il faut bien travailler ce sujet-là. Bon, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ensuite, tu as l'arbre de vie des Mormons. Dans le livre des Mormons, qui s'appelle Lehi, L-E-H-I, dans une vision symbolique, voit l'arbre de vie. Cet arbre de vie représente alors l'amour de Dieu et est appelé le plus grand don de Dieu. Il voit dans cette vision une barre de fer sur laquelle on peut s'agripper alors qu'on est sur un chemin étroit et resserré et que l'on va vers les brouillards des ténèbres qui enveloppent l'homme. Pourrait-on accéder à cet arbre de vie ? Certains disent oui, d'autres disent non. Donc ça, c'est une autre approche que je trouve intéressante, où l'homme a son libre arbitre. Et c'est lui qui fait ses choix d'aller dans le brouillard, dans les ténèbres, ou de se grandir pour s'imprégner de l'amour de Dieu. Un troisième arbre de vie, celui des Celtes irlandais, qui intègrent dans leur iconographie un arbre de vie gardé par deux dragons. C'est un emblème guerrier associé au dieu Lug, L-U-G, qui s'est répandu dans toute l'Europe celtique entre le 3e et 4e siècle. On en trouve des traces en Bretagne. Il y a des choses intéressantes là aussi à travailler. Cet arbre de vie est un symbole qui représente pour beaucoup le lien avec le monde et ce qui y vit. C'est un symbole de force, de sagesse, de connaissance et surtout de nature. Voilà une autre piste qui peut être aidée dans notre forêt des arbres. Et maintenant les bouddhistes. Alors là, je ne vais pas trop m'étendre. Tu t'es intéressé au bouddhisme ? Un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu. Un petit peu. Là, il y a des pistes formidables. celle de l'arbre de vie, pas forcément celle qui... mais c'est une entrée, hein, c'est une entrée pour comprendre la religion bouddhiste. Et dans cette religion bouddhiste, l'arbre de vie est connu sous le nom de Bodhi, B-O-D-H-I. Et c'est sous cet arbre, sous les pieds de cet arbre, que Bouddha a reçu l'éveil et commencé à enseigner. Voilà, alors maintenant on va approcher d'un arbre, ou de plusieurs arbres même, évoqués dans la Bible. Alors dans la Bible, cet arbre de vie est d'abord simplement mentionné au début du livre de la Genèse, en même temps que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier symbolise l'immortalité. Il ne doit surtout pas être confondu avec l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, avec cet arbre, Dieu donne à l'homme, en la personne d'Adam et Ève, ce commandement formel. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car du jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu voulait-il, ou ne voulait-il pas plutôt, que l'homme devienne son égal en mangeant les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Question. Il n'y a pas de réponse, mais ça peut éclairer le débat. Ensuite, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est donc bien distinct de l'arbre de vie, sur lequel on a encore une précision cruciale dans le passage suivant. Une fois que l'homme aura très librement commis le péché originel. Je dis bien une fois que l'homme aura très librement commis le péché originel. Maintenant, alors le propos de la Bible est de dire, voilà, maintenant qu'il n'avance pas sa main et qu'il ne prenne pas aussi l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. Et le Seigneur le fit sortir du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Sacrée défense, ça, hein ? Cet arbre de vie est également mentionné plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Épilogue qui conclut la Bible, comme le livre de la Genèse était son prologue. Donc dans cet épilogue, on a plusieurs passages tels que, entre guillemets, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, qui lui-même, est-ce le djihad des musulmans, hein, c'est moi qui rajoute ça, hein, qui est le combat de soi-même sur soi-même. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Enfin, le christianisme a très tôt assimilé la croix du Christ avec l'arbre de vie. Car comme lui, il redonne la vie. Cette foi éternelle à l'humanité déchue, blessée par le péché originel en la personne d'Adam et Ève. Est-ce que l'arbre de vie, question, pousse sur le jardin d'Éden? Il semblerait que oui, et il pousserait aux côtés de l'arbre de la connaissance. Mais quand on pioche un peu dans la Bible, ben tout ça c'est un peu confus, en tout cas pour moi. Et enfin, je terminerai mon propos par le petit tableau que je t'ai envoyé, ce petit tableau dont je t'ai envoyé une photo. Maximum, oui. Et cette peinture s'appelle « La recherche de liberté ». L'arbre, entre parenthèses, mais lequel, point d'interrogation, prend naissance dans les ténèbres de notre vie, dans la cité, pour nous permettre de remonter vers la lumière, vers la liberté, et ensuite rejoindre Adam et Ève, libérés, qui cueillent des fleurs merveilleuses. Que voilà un bon cheminement vers notre jardin merveilleux. Et ce tableau ne pourrait-il pas devenir le symbole de notre jardin merveilleux ? À voir avec Jean-Marc Simon qui en est l'auteur. Voilà, je termine ici mon propos. Je voulais te dire que je me suis régalé, que cet arbre de vie m'apporte beaucoup et peut nous transcender vers des dimensions auxquelles j'aspire, et ça depuis ma plus grande jeunesse. Voilà. Eh bien, merci. J'ai pris ce que j'ai pu. Bon, sur la Bible, en fait, j'ai rien pris parce que j'avais déjà, je connaissais déjà un peu les choses. Ces derniers temps, j'avais travaillé justement sur sur la signification de l'arbre de vie pour les différentes religions. Il me manquait les Celtes, je ne savais pas trop. Mais j'ai surtout bien scruté pendant des heures le tableau, dans le détail. C'est intéressant. Attends, je vais l'afficher à mon écran. Tu veux qu'on en parle maintenant ? Moi, c'est ce que j'ai à te dire, en retour à ce que tu viens de dire. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, on a fait, toi comme moi, la même démarche et la même approche en recherchant un petit peu dans les différentes traditions ce qui pouvait se passer. Peu, moi j'y ai passé, je dirais, rechercher ce que signifie l'arbre de vie, j'y ai passé une demi-heure, mais c'est tellement monstrueux, en fait, que ça nécessite, soit on effleure et on prend la définition, soit on rentre dedans, et là, on en a pour pas mal de temps. C'est pour ça que je te proposais, mais pas tout de suite, parce qu'il faut être un peu préparé, mais à regarder, par exemple, la Kabbale, où là, il y a des choses formidables. Regarder les Celtes, voir les Mormons, ou le bouddhisme. Il y a des approches toutes différentes, mais c'est monstrueux. Voilà. Bon, alors... Voilà. En fait, la recherche de l'éternité, ça a concerné les hommes de façon générale. Donc, en fait, on retrouve ça partout, cette recherche. Et cet arbre de vie, l'arbre est toujours, dans la mesure où, en fait, déjà, il dure... les arbres qui sont pris en compte, ce sont des arbres dont la vie dure plus que celle de l'homme, donc qui ont une certaine idée de l'éternité. Et c'est vrai que le tableau que tu m'as envoyé m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes, peuvent être interprétées de façon différente. Complètement. Alors, complètement. Du coup, je me suis attaché plutôt à décrire le tableau d'abord, pour voir par quoi j'étais interpellé rien qu'en de le décrivant. Un peu une espèce de démarche scientifique, finalement, observation. D'accord. Et donc, j'ai commencé par l'ensemble du triptyque, où on voit bien qu'on démarre dans le rouge en bas et on termine dans la lumière tout en haut. Et j'ai donc commencé par le bas. En bas, nous avons une muraille grise, dont la hauteur diffère d'un endroit à l'autre. Ce qui est différent, justement, du tableau du milieu, où la hauteur est la même partout, dans la muraille. Et ça comporte plusieurs embrasures sans portes. Ou alors, les portes sont grandes ouvertes, on ne les voit pas, en tout cas. On peut rentrer par différents endroits. Donc, en fait, passer la muraille, cette muraille-là, est facile. Et l'ensemble est rouge, il y a des belvédères, mais qui sont vides. Il n'y a pas de garde, en fait. On a l'impression que ça pourrait être surveillé, mais en fait, il n'y a pas de garde. Les corbeaux, hein ? Il y a les corbeaux, mais dans les belvédères, il n'y a personne. La couleur dominante en bas est le rouge, qualifiant la terre sèche, et la ville en ruine. Le ciel est crépusculaire, les nuages éclairés par le dessous. Les oiseaux sont des corbeaux, aux yeux blancs, vides. Et dans l'arbre central, des vautours. En élément central, un arbre sans feuillage, contenant les corbeaux et les vautours. C'est amusant que tu vois des vautours. Pardon, je te coupe, parce que moi, je voyais des cigognes. Oui, ou des grues. Je me suis posé la question, et je me suis demandé qu'est-ce que les grues ou les cigognes viendraient à faire sur un arbre sans feuilles, sur une terre desséchée. Et c'est vrai que, en général, dans ces ambiances-là, ce sont plutôt des vautours qui attendent, en fait, la mort d'un être vivant pour aller jouer les charognards. Quoi. Alors, j'ai supposé, moi j'ai mis vautour, mais avec un point d'interrogation. Parce que, en fait, je sais, le dessin peut faire penser, mais peut faire penser à autre chose. Bon. C'est le seul tableau où l'on voit des racines fermement implantées dans la terre, l'arbre. Et ces racines fermement implantées dans la terre, c'est bien le symbole de l'arbre de vie. La terre, et puis après ça, direction le ciel. Les arbres sur les côtés sont recouverts de lierre. Et c'est là que j'ai trouvé assez intéressant, parce que les feuilles sont très bien dessinées, très reconnaissables sur ce tableau. Et c'est bien du lierre qu'il y a sur le bord. Le lierre qui recouvre en fait les arbres morts, en général, ou qui les font mourir parce que en fait ils prennent toute la sève. Il y a deux escaliers monumentaux avec des hommes et des femmes qui montent. Ils montent tous d'après l'attitude que l'on voit, il n'y en a pas un qui descend. Les hommes de l'escalier gauche ont pour la plupart les bras levés vers le haut, accueillants. Ceux de l'escalier de droite, la majorité a les bras plutôt vers le bas. Ah, c'est amusant, ça. C'est vrai. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon. Donc là, c'est de la description, mais avec des questions. Le tableau du milieu, semble un tableau de transition. Sur le côté, le lierre s'arrête au tiers de l'arbre. S'ensuit un tronc propre, puis du feuillage et des fleurs, avec des oiseaux blancs. Pense des colombes, sans doute, dans la haute ramure. La muraille est haute, mais peu épaisse, et comporte des belvédères qui n'ont aucun garde. Il n'y a qu'une seule porte qui est entrouverte, sans garde. Et la muraille a la même hauteur partout. Derrière la muraille, la végétation est luxuriante, variée, chargée de fleurs. Le ciel est chargé de brume qui donne l'impression de se dissiper. On a l'impression qu'on est dans une matinée où on était embrumé et que petit à petit, la lumière dissipe ces nuages. Devant la muraille, la terre est sèche et les hommes peu actifs. Les attitudes sont peu enjouées et certains individus ne donnent pas l'impression de se réjouir, notamment le gars qui est à gauche, en train de se serrer les bras, ben, comme s'il avait froid. Voilà. Un couple se distingue d'eux par la taille et la couleur, plus éclatante. Le fameux Adam et Ève que tu disais. Semblant se réjouir de la perspective donnée de l'endroit où ils sont. Ils ne sont pas dans le jardin. Ils sont à l'extérieur, mais ils le voient. Et l'homme accueille une colombe dans sa main. Je me suis demandé si, en fait, s'il cueillait un fruit, mais non. En fait, il a une colombe dans la main. En massif central, il y a des fleurs qui semblent surgir de la terre sèche. La terre est sèche juste derrière. En massif central haut, les grappes de fleurs pendent, comme alimentées par le haut. L'endroit est délimité par une rangée de hautes montagnes dans le fond. Donc, il y a une finitude. Tableau du haut, de ce qui est clair, en fait. Pas de muraille, mais pas d'homme non plus. Les nuages sont éclairés par le haut. Les oiseaux sont des colombes et des hirondelles. De part et d'autre, les arbres contiennent des fruits et des nids avec des petits. Donc, la vie porte du fruit. Le massif central est couvert de fleurs qui montent vers le haut, alors que dans le tableau du milieu, c'était des fleurs qui descendaient vers le bas, vers les hommes. Voilà pour ma description. Et t'as oublié les coccinelles. Tu sais pourquoi je les ai oubliés ? Donc je les ai pas oubliés. C'était pour te le faire dire. Et là, tu vois, ça n'a pas raté. Ah oh ben attends, je ne les vois que maintenant. C'est des bêtes à bon Dieu, les coccinelles. Oui, c'est ça. C'est appelé aussi bêtes à bon Dieu. Bon. Bien, alors... ouais, mais c'est bien ce que tu fais, parce que, bon, ce tableau-là, moi, quand je l'ai vu, j'avais déjà en perspective l'arbre de vie, et ça a flashé tout de suite, quoi. Bon, et je partage presque bien tout ce que tu as dit, et toutes les questions que tu poses. Ah, mais attends, je ne l'avais pas vu. On a des bêtes à bon Dieu ici, en dessous. Tu les vois ? Attends. Voilà. Si c'est les mêmes, ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Des bêtes à bon Dieu dans le triptyque central, tout à fait à droite, avec le lierre qui montait, tu le vois, tout à fait en bas à droite. J'arrive pas à me déplacer, attends, je vais aller sur le... Je l'ai mis en fait au début de mon écrit, ah. Parce que là, j'ai pas la... Comme je suis dans l'herbe, J'ai pas la souris. c'est pas facile. Voilà. Bon, alors, attends, c'est pas très grave. Je l'ai mis dans le... Voilà, ça y est. Donc, triptyque du milieu, alors, en bas milieu, à droite. C'est en bas à droite. Hein? En bas à droite, il y a les bêtes à bon Dieu. Ouais. Voilà, on en voit. Mais il y a plein de choses à dire sur les petits personnages que l'on voit. Entre oui, ce oui. gars qui est apeuré, l'autre d'à côté qui joue de la guitare, donc... Et puis, tu as ceux qui arrivent en haut et qui ont les mains en l'air, comme ça, ou un sur deux. Tout oui, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce que ça fait la suite de l'escalier qui est juste en dessous? Ah si, bien sûr, c'est évident. Oui. Pour moi, l'homme aspire à créer, à sortir de son néant, la cité toute rouge, et à aller... vers la lumière, vers Dieu, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Moi, mais par contre, c'est intéressant de savoir si pourquoi il y en a qui ont les bras levés à gauche et puis d'autres qui ont les bras abaissés à droite. Il doit y avoir des explications. Il doit y avoir des explications. Demander à Simon lui-même. Pardon ? Il faut la demander à l'auteur. Oui, à l'auteur. En ce qui concerne les portes, ouvertes en bas, à chaque fois qu'on a des murs, on a des portes. Mais dans toutes les traditions. Dans toutes les traditions. C'est pour ça que je t'ai dit, dans notre jardin merveilleux, il faudra qu'il y ait une porte qui soit significative. Oui. D'une façon X ou d'une façon Y. Mais quand on monte dans le triptyque du milieu, la porte, elle, au lieu d'être complètement ouverte, elle est entrouverte. Oui. Alors, ça veut dire quoi, ça ? À mon sens, si la porte est entrouverte, ça veut dire que, toujours pareil, dans un rite de passage, eh bien, il faut se préparer à passer cette porte. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a personne devant la porte. Il y a un petit gars là qui tourne le dos. Les seuls qui pourraient passer la porte, mais sont trop grands, c'est Adam et Ève. Donc c'est une porte pour les humains. Et tu n'as personne devant. Bon, hein. Par contre, les gens, ils sont, les personnages, ils sont au pied de ces murailles. Et ils tournent le dos à la muraille. Le plus souvent, ils tournent toujours le dos c'est à ça. La muraille. Oui, c'est ça. Et ils ne passent pas la porte. Eh oui. Bon, alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on est peut-être dans le purgatoire, là. Je dis ça brutalement, je n'avais pas pensé. Mais peut-être que il faut grandir dans un purgatoire pour se purifier et rencontrer le divin. Et pour rencontrer le divin, bah, sauf si tu as des ailes, comme les colombes, eh bien, tu passeras par la porte si tu le mérites. Oui, mais tu vois ce que tu as dit tout à l'heure concernant la Genèse, que j'avais relu justement. Bien sûr. Il y a deux endroits. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que en fait, au départ, dans la Genèse, alors c'est le chapitre 2. 17. Moi, je suis en chapitre 2, verset 9. Moi, l'arbre, j'étais au verset 17. Celui qui est au milieu, c'est l'arbre de vie. Et puis, dans le chapitre 3, verset 3, le malin, le serpent, en fait, dit, parle du jardin, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin aussi. En fait, ils sont tous les deux au milieu, on dirait. Hein. Ouais. Comme quoi, on peut pas les confondre? C'est la question que à un moment je te dis, est-ce que l'arbre de vie pousse dans le jardin d'Éden? Déjà je posais la question parce que c'est pas clair pour moi. Il semblerait que oui, aux côtés de l'arbre de la connaissance. Mais cette interprétation reste confuse pour moi. Donc on a des arbres qui se on a deux arbres là, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, qui doivent être approchés prudemment par l'homme et à qui on a dit « mais tu ne mangeras pas de cet arbre de la connaissance parce que si tu en manges, tu risques de te rapprocher de Dieu », c'est ce que peut dire le serpent, hein, « tu risques de te rapprocher de Dieu ». Parce que Dieu ne veut pas que l'homme devienne son égal en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance. Hein? Tu vois, bon, c'est un vaste sujet, quoi. Oui, mais c'est formidable. Moi, je n'avais jamais travaillé sur ce sujet-là. J'ai travaillé sur d'autres choses, la Kabbale, les arbres séphirotiques, etc. Jamais là-dessus. Et là, tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu as tout un travail à fournir pour comprendre. Et ça, tu vas voir un peu ce qui s'est passé dans ma vie. À plusieurs reprises, j'ai rencontré la Bible. Mais je te parle du livre proprement dit. Ce livre proprement dit, j'en ai 4 ou 5. Bible complète. Et je ne les ai jamais lus. Je l'ai parcouru. J'ai notamment la Bible de Jérusalem qui est la plus complète avec toutes les annotations qui vont bien pour comprendre ça. Mais bon, je ne les ai jamais lus. Et je pense que si on veut comprendre sa religion, eh bien, il faut se pencher là-dessus. Et là, tu as, entre guillemets, un large temps d'avance sur moi. Et je compte sur toi pour m'introduire dans ce vaste monde qui mérite d'être approfondi. C'est, voilà, il y a des choses formidables. Alors, il y a une chose là à laquelle je pense. C'est la fameuse porte entrouverte. Ah, tu reviens. Et les portes qui sont en bas. Bon, ouais. Toi, tu parles de rite de passage pour cette porte, parce que c'est une porte entrouverte. Ouais. Et moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il y ait... La muraille n'a jamais été murée. En fait, il y a toujours eu une porte. Et dans les écrits, la porte est gardée. Mais Dieu peut très bien revenir en arrière et dire à ses anges qui gardent la porte, veuillez laisser passer. Ça veut dire qu'en fait, la porte, elle est toujours là. C'est ça l'intérêt. C'est qu'en fait, il n'a jamais fermé la porte définitivement à cette entrée. Complètement. Complètement. C'est là qu'en fait, au niveau des portes en bas, rentrer en enfer, il n'y a même pas besoin de porte. On peut y rentrer très facilement, on peut même t'y pousser dedans. Bon. Et par contre, la porte entrouverte, ça veut dire que tu as la possibilité de... Tu as un aperçu de ce que tu as derrière, mais tu n'as pas tout ce qu'il y a derrière. Donc ça veut dire que bah, tu aurais avantage à rentrer. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis là. Bon, alors moi je retiens que les anges verrouillent la porte, mais sont aux ordres du divin pour l'ouvrir à qui le mérite. Hein. Mmh. Je constate aussi que tous ces personnages du triptyque du milieu qui sont arrivés n'ont pas accès tout de suite au jardin d'Éden, parce qu'on pourrait penser que c'est le jardin d'Éden, et ne regardent pas au-dessus du mur. Il n'y en a que deux, en fait. Il y a qu'Adam et Ève qui regardent au-dessus du mur. Oui, mais nous aussi. Nous, avec le tableau. C'est ça l'intérêt. C'est que ça te donne exact. La même vision. Et c'est ça qui interpelle dans ce tableau. Il y a des tableaux comme ça qui sont très, très interpellants parce que justement, ils prennent presque... Je ne t'entends pas bien là parce qu'il y a du vent dans les voiles. Vas-y. Il y a du vent. Ouais. Vas-y, je t'écoute. De toute façon, il n'y a plus de soleil là, donc je vois que je suis. Oui, c'est que en fait, c'est bien ces tableaux qui prennent celui qui regarde à témoin. Et soit en otage, soit comme témoin, en disant, ben voilà, tu es au même titre que Adam et Ève, qui sont plus grands que les autres, là, qui hésitent à rentrer, tu vois ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que t'attends ? C'est vraiment une interpellation. Regarde, pour moi c'est une interpellation, regarde comme la muraille est fine, elle est haute, mais on a laissé la porte entrouverte en bas. Tu vois par-dessus, tu vois que c'est luxuriant, tu vois que par la porte entrouverte, cette luxuriance, tu y as accès, qu'il n'y a personne qui t'en empêche. Si elle est entrouverte et que tu vois la lumière derrière, c'est quand même une invitation. Qu'est-ce que tu attends ? Voilà. Eh bien, ce que tu attends, on pourrait rapprocher ça d'un mythe encore sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'était les labyrinthes dans les cathédrales. Le labyrinthe, c'est nous, quoi. Perdu au milieu de toutes ces opportunités, il n'y a qu'un seul passage autorisé, mais encore faut-il le trouver, quoi. Et donc, en un mot, tous ces personnages-là, hormis Adam et Ève, sont en recherche, sont en réflexion pour déjà tourner la tête vers cette muraille, hein. Il ne la regarde pas, la muraille. Hein. Il n'y en a aucun qui regarde la muraille. Si, peut-être un, mais bon. Et tous les autres te regardent toi, regardent Adam et Ève, et il faut qu'ils se retournent. Quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les rites de passage, et c'est cette réflexion-là que tu dois avoir pour changer d'état. À savoir que dans notre démarche de spiritualité, on a ce qu'on appelle des champs de conscience. Ces champs de conscience, ce sont eux qui vont s'éclairer au fur et à mesure de ton avancement. Si tu n'avances pas, ils ne s'éclairent pas. Bon, tu restes à l'état antérieur. Mais s'ils s'avancent, tu peux donc avoir un certain passage à ce moment-là et l'autorisation de le franchir sans qu'il y ait les épées, c'est nous-mêmes, quoi. C'est le fameux djihad dont je parlais qui est très intéressant à étudier. Tu l'as étudié, le djihad ? Non. Non ? Ton imam, il t'a pas amené à ça ? Non, mais je le rencontre pas tous les jours. Hein. Ouais, mais parler du djihad avec des musulmans bien pensants, entendons-nous, le djihad, c'est le combat de soi-même sur soi-même pour changer d'état. Et pour changer, c'est des élévations de champ de conscience. Et à chaque fois que tu élèves ta conscience, tu changes d'état, tu passes la porte. Oui, mais... moi, l'imam que, enfin, que j'avais rencontré, enfin, que le collègue, l'ami en fait, hein, lui me disait de toute façon, ceux qui se lancent dans ces types de violences de djihad, ils n'ont rien compris. Bien voilà. Sûr. Ils ont été manipulés, c'est même pas marqué comme ça dans le Coran, donc ils n'ont rien compris. Dans le Coran, le djihad dit bien, le djihad c'est un combat. Mais de soi-même, contre soi-même, pour se corriger, pour s'apurer, pour enlever ces gangs qui nous plombent, pour nous permettre de passer ces portes. Quoi. Voilà. Eh bien, je suis content que t'aies flippé sur mon tableau. Quand je dis mon tableau, c'est pas mon tableau, mais c'est le tableau. C'était dans une petite exposition à l'abbaye par là où tu habites là, l'abbaye Saint-Esprit tu as dit. Voilà, à l'abbaye de, c'est pas la chapelle Saint-Esprit. Chapelle Saint-Esprit. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi et j'ai pensé à nous. Alors, il y a un truc c'est comme ça que je concluais mon propos. Peut-être ça serait intéressant de se rapprocher de ce fameux Jean-Marc Simon qui habite à Baden. Se rapprocher de lui pour, je sais pas, ça ferait un bel emblème, ça, pour le Jardin Merveilleux, non ? Oui, j'en sais rien. Je sais seulement que y a pas mal de... Son tableau m'a posé pas mal de questions, et rien que pour ça, il faut aller voir. Bon. C'est qu'il devait avoir quelque chose... Il devait penser, sentir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a senti? Qu'est-ce qu'il a pensé? Je sais aller le voir sûrement. Maintenant, comment aborder la question avec lui pour que... est-ce que c'est lui qui doit d'abord parler de son tableau? Est-ce que c'est à nous de dire ce que l'on a senti sur son tableau? Là, il y a toujours cette façon d'entrer en la matière. Pour moi, c'est, je sais pas. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Oui. Il n'y a absolument aucun problème. D'une façon ou d'une autre, le regard qu'on a porté sur ce tableau mérite des interprétations. C'est des interprétations. Oui. Mais moi, l'idée que j'ai, c'est de dire, voilà, toi, le peintre, tu as fait ton jardin merveilleux, là, parce que tu l'as, hein, en face de toi, il est là. Et on est en train de faire quelque chose d'un peu semblable à Horeb. Mmh. Est-ce que ça te dirait, ça vous dirait, qu'on participe en, comment ça s'appelle, en communion pour essayer d'avancer dans cette voie et essayer de faire quelque chose ensemble. Voilà. Oui. Voilà comment moi j'apporterais les choses. Alors, j'ai par devant moi sa carte de visite. Ah. Tu voudras peut-être que je t'en fasse une copie. Ouais, tu peux m'envoyer la chose. Et puis, là, pour l'instant, on est un peu coincé. Oui, hein, oui, oui, tout à fait. On est coincé. Ouais. Mais je pense que ça mérite. Et puis, il a fait peut-être d'autres choses, ce monsieur. Oui. Il a peut-être un site sur lequel il a tout regroupé. Il a un site, ouais, mais c'est un site, c'est pas très puissant ça comme affaire, je vais te voir. Il s'appelle Kiosque des Arts, kioskedesarts.fr, et il héberge, Kiosque des Arts héberge plusieurs auteurs, plusieurs peintres, plusieurs artistes. Alors, okay. Il n'a pas un site à lui, quoi. Ok. Mais ça mérite, c'est peut-être une jolie rencontre en perspective. Je te fais une photo. Oui. Hein ? Je t'envoie ça. Ça marche. Bon. Eh bien, on a bien discuté. On sait que c'est. On est en fait au début. Là, sur ce sujet, c'est énorme. Ça, c'est sûr que c'est énorme. Il y a beaucoup à dire. Et en fait, ça interpelle énormément. Puisque, en fait. Toutes les religions se sont fait interpeller par ça, par cette affaire d'arbre et de vie, d'arbre de vie. Et parler de la condition humaine là-dedans. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que... Ben voilà, ça pose énormément de questions. Là, c'est bien. Je pense qu'il faudrait avoir aussi d'autres... Tu parles de Jean-Marc Simon. Je pense que... Je ne sais pas qui va... Interpelle ton banquier. Oui, je vais interpeller le banquier. Non, mais il a le profil. Ah, puis je l'ai oublié dans l'annonce de ma petite fille. Là. Il faut que je le fasse. Ah, ben voilà. Je viens de m'en rendre compte. Tu sais ce que tu peux faire. Tu sais ce que tu peux faire. Puisque tu prends toutes tes notes, donne-les-lui. Oui. Donne-les-lui. Bah, si c'est toi qui me le propose, alors... Je te le propose, oui. Mais à lui, simplement, parce que le reste, soit je ne connais pas, soit il y a encore un bout de chemin à faire, quoi, si tu veux. Mm. Mais je te les propose aussi à toi. Pourquoi ça? Parce que je me pose la question, à chaque fois que je travaille, d'abord, ça m'apporte beaucoup. Et puis, c'est un moment, pour moi, si tu veux, on est loin du hold-up, là, hein, entre toi et moi. On est en confiance, on est à chercher à progresser, à monter, quoi. Hein. Comme notre arbre, comme notre tableau, là, où il monte. Hein. Il monte toujours, d'une façon ou d'une autre. Et donc, je me dis que il va falloir, à un moment donné, passer du dire au faire. Oui. Et se construire une, je vais dire un rituel, peut-être pas, se construire quelque chose, un document, que l'on peut transmettre, comme l'on le fait là pour le banquier, à ceux qui le méritent, et provoquer chez l'autre, l'interpeller, chez l'autre et voir un petit peu le background que l'on va avoir en retour. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, si, il y a une chose qui peut être faite aussi, c'est le podcast. Ouais, je sens moins. Mais le podcast, il est là et il a tous nos enregistrements, hein. Quand je dis tout, non, il n'a pas tout, c'est pas vrai. J'ai commencé ce podcast à partir du moment où on a travaillé. Oui. Mais j'ai... tu as vu en tout cas sur le site que j'avais mentionné ça. Oui. Que sur la page Action, j'ai mentionné notre discussion. Oui. Qu'il y avait des notes, qu'il y avait des podcasts. Oui. Pour l'instant, en fait, je n'ai aucune réaction. C'est j'ai normal. C'est normal, parce que... si tu veux des réactions, tu pourras en avoir dans la mesure où tu as déjà interpellé les uns les autres, si tu veux. Mais oui. Interpellé de bonne façon. Il faut les amener progressivement à passer la porte. C'est pareil. Il faut qu'ils passent la porte du jardin, mentalement, dans un premier temps, et physiquement, dans un deuxième. Mais des réactions, tu ne les auras que dans le one-to-one. Est-ce que tu es d'accord avec Travail de longue haleine. Hein. Ah, mais c'est clair. C'est clair, mais... comment dirais-je? Ouais, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, attends, je suis en train de faire deux choses en même temps, te parler. Et je ne suis pas capable, moi, comme Michaela, de faire deux choses en même temps. Et je vois qu'elle a de plus en plus de mal à faire deux choses en même temps, maintenant. Mais bon, attends. C'est pas ça. Ce que je voulais, c'était aller vérifier ce qu'il y a sur les podcasts. Parce que ça peut te faciliter la vie dans ta relation. Ah, ben il est là. Et alors, le voilà là. Toc. Il est là. Merde. C'est devenu tellement complexe, les choses, là. Créer votre compte, là, j'ai déjà mon compte, le studio. le bord, les podcasts. Bon, en un mot, j'arrive pas à le faire là maintenant, c'est toujours comme ça quand on veut. Il faut que je t'envoie le lien vers le podcast. Oui. Comme ça, tu regarderas un peu comment c'est foutu. Fais les démarches et les manœuvres techniques, on peut les faire tranquillos. Tu dois travailler, chercher des trucs, ce que tu as fait avec les podcasts, comment ils sont accessibles et s'ils sont exploitables, tu fais ça tranquillement, hein, tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour causer avec Rodrigue, là, comment il s'appelle, Rodrigue, non? Oui, c'est ça, Rodrigue. Avec Rodrigue, c'est pour causer avec lui, quoi, parce que, oui. À mon sens, si tu veux l'aborder, je sais pas, je le connais pas, j'ai vu simplement un écrit de sa part qui m'a vraiment interpellé et qui me fait dire qu'il a compris beaucoup de choses, et donc il mérite de passer notre porte, voilà. Mm. Donc, c'est... Tout à fait. C'est il est en phase. Hein? Oui, il est en phase, regarde. Il est bien en phase. Mais ça veut dire aussi que si on veut l'interpeller, parce que il doit avoir de l'appétit, ce monsieur. Et si tu lui donnes une bricole et que tu n'étayes pas, ben, tu le perds, quoi. Alors que si tu arrives avec un certain bagage... Tu peux l'interpeller, tu peux lui faire part, dire voilà, avec Claude on fait des échanges, etc. On en est là. Est-ce que tu veux venir enrichir ce débat? Parce qu'on peut très bien, s'il est bien en phase, se faire une petite séance comme on a tous les deux, mais une petite séance où on l'introduirait, quoi, où on l'introniserait dans notre petite... réflexion et quel rite de passage tu prévois, toi? Pardon? Quel rite de passage tu prévois? La porte de notre tableau. Mais les portes du bas. Oui, oui. Les portes du bas. Mais pour monter ensemble ces escaliers magistraux et aller pas tout à fait dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il est derrière la muraille. Oui. Ah, tu vois un peu. Voilà. À mon sens, si on est 3 à 4, oui. Sur Skype, si tu veux, moi j'ai eu des échanges constructifs jusqu'à 4, voire 5 personnes. Oui. Et ça, je sais mettre en place ce genre d'échange, mais d'échange constructif. Sur lequel qui puisse apporter quelque chose à quelqu'un, si tu veux. Voilà. Et ça je sais faire. Mais commencer à 3, maintenant qu'on est... Toi et moi, on est bien en phase, même. Hein? On est d'accord? On est bien en phase. Et donc, à partir de là, eh ben, on peut introniser un troisième à nous rejoindre. Mais pour ça, il faut lui donner un peu de grain à moudre et ce qu'on a... et ce dont on a discuté. Oui, mais moi, en fait, j'attendais que tu me proposes de le faire. Parce que c'est vrai que les notes, déjà, elles sont pas exhaustives. Hein. Moi, j'ai pris à la vitesse où je pouvais. Et je dirais l'entendement que j'avais en tant que chrétien, je dirais. Mais lui aussi est chrétien, donc il saura. Il suffit de citer les passages de la Bible sans avoir même besoin de les écrire. Quoi. Il y a tout ce qu'il fait. Bon. Il sait faire. Bon. Il sait faire. Et ben voilà. Et de lui proposer, eh bien, de venir travailler avec nous. Et ça pourrait être quand même très, très intéressant. Oui. Et si on fait ça, on pourrait même consacrer un podcast à ce qu'il se présente. À ce que... on puisse échanger, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, voir quels sont les objectifs, ce qu'on peut partager, ce qu'on peut... Voilà. Bon, moi j'ai besoin de, si tu veux, d'un échange de qualité, mais avec des gens vers qui je pense qu'il y a des choses à dire et à faire, si tu veux. Et aussi des choses à ne pas dire. et des choses à ne pas dire. C'est ça. Et puis aussi d'avoir mesuré le niveau de tolérance de la personne pour bien dire ou pas dire, mais qu'on conserve quand même notre libre arbitre. Et bien sûr, notre libre arbitre, il va jusqu'à ne pas blesser la personne avec qui... voilà, il ne faut pas être blessant. Mais il faut être libre. Et grâce à toi, je me sens de plus en plus libre. Ah, c'est bien alors. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Ça vaut la peine que... Alors, ça vaut la peine que je vive, alors c'est bien. Pourquoi ça vaut la peine que tu vives? Pourquoi tu t'es posé la question? Moi, je me dis que chaque jour, c'est un jour offert pour moi. À partir du moment où j'ai passé les 50 ans, je me dis, bon, il y a une demi-vie qui est derrière moi. Maintenant, tant qu'à faire, autant que je travaille pour la liberté des uns et des autres. Et c'est là que je me suis heurté à pas mal de choses, quand même. Avant, c'était du travail, et après ça, ça a été beaucoup d'échauffement. Peut-être aussi parce que j'étais un peu saturé. C'était un peu beaucoup, quoi. Ouais. Ouais. Mais en fait, par rapport à ce passé, je m'aperçois qu'en fait, il reste passé. C'est tout. Ouais, mais il est encore très présent dans ta tête. Ah oui. Il te plombe un peu la vie, tu vois, ton passé. Et je pense qu'il faut que faut que tu aies un bouclier, quoi, autour de toi. Il faut que tu aies un bouclier. Alors, ça peut être un bouclier humain, ça peut être un bouclier culturel, ça peut être un bouclier philosophique, spirituel, etc. Mais il faut que tu puisses respirer, quoi. Et souvent, tu reviens à ta vie professionnelle qui, au moins dans les dernières années, tu as mal vécu, mais il faut te sortir la tête de tout ça. Et il faut que tu fasses le deuil, voilà, le deuil de ta vie professionnelle, que tu te serves de tous les acquis de ta vie professionnelle positifs pour mener à bien ta spiritualité, avec toi-même, avec les autres, et là, tu pourras échanger, quoi, et ça sera plus facile pour toi. Mais j'ai noté, et ça, c'est la première fois que je t'entends de façon très claire en parler, c'est la nécessité d'avoir Sylvie à tes côtés, qui te suive, qui soit dans le même trip que toi, et que et tu veux avancer avec elle. Alors, dans le même esprit que l'on parlait de Rodrigue, on peut très bien avoir Sylvie comme quatrième intervenante dans nos réunions. C'est un moyen aussi, c'est pareil, si tu veux. À mon sens, la bonne démarche, il faut procéder progressivement. On prend dans notre petit groupe Sylvie, Rodrigue, on le met à la cool, et au bout d'une ou deux réunions, on ramène Sylvie autour de la table, on la met à la cool, et puis on discute à quatre très librement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi j'y compte bien. Ce sont les observations que je fais. Là, j'ai juste un petit pincement au cœur, parce que j'ai oublié Rodrigue, et là, ça m'embête. Mais bon, Sylvie, je la suis de très près, puisque comme on est séparés, elle me manque, quoi, tout. Bien sûr. Et pareil, c'est pareil pour elle. Bon, mais je sais qu'elle avance. Elle vit des moments qui sont difficiles et qui la rapprochent du jardin merveilleux. Donc, j'ai confiance là-dessus. D'accord. Mais attention, si c'est difficile, il faut accompagner ça. Ah oui, tout à fait. Parce que si tu n'accompagnes pas, tu la perds. Hein. Oui. Bon, j'ai toujours des mots un peu forts dans mon expression, mais c'est pour dépasser un peu Skype. Et effectivement, quand je dis tu la perds, entre guillemets, mais oui. tu la perds pour la démarche vers laquelle tu veux l'amener. C'est ça. Hein? Ok. Bon, ouais. Ben, il va falloir que j'y aille parce que ça commence à bouger de l'autre côté. Bon, ça bouge. Eh bien, écoute, ouais. Je vais te laisser pouponner. Au fait, je voulais te demander combien de temps tu restes encore où tu es, là, où tu étais à Clisson, là. Oui, je suis toujours à Clisson et je pense que j'en ai encore pour 8 jours, 8 à 10 jours. D'accord. Puisque là, elle n'est pas encore rentrée de la maternité. Quand elle va rentrer, ils vont avoir besoin d'un coup de main parce que ça va tirer dans tous les sens. D'accord. Donc, je pense que... ce qui est possible là-dedans, c'est que Sylvie me rejoigne, non pas le week-end qui vient, mais le week-end suivant, et que après ça, je rentre avec elle sur Strasbourg, donc dans 10 jours, quoi. D'accord, parce que Sylvie, elle est à Strasbourg, là. Elle est à Strasbourg, oui. Tu la sortirais de Strasbourg, tu passerais pas par Nanterre pour qu'elle voit ça. C'est sûr, c'est si on passera par Nanterre. Voilà, ça, c'est, d'accord. C'est incontournable. D'accord, d'accord, oui. Ok. D'autant plus qu'il faut des raisons pour pouvoir se déplacer maintenant. Ouais. Personne fragile, ça y est, on l'a. Jusqu'à Nanterre, on l'a. Oui, oui, oui. Donc, on va trouver une autre raison. Et puis après, rejoindre ton domicile après un Covid, ça se, ah oui. Ça se justifie, ça. Hein. C'est ça. Donc, ouais. Ça va se faire. Bon, ça fera quand même un mois, un mois sans elle, quoi. Bon. Ouais, c'est long. C'est long, c'est long. Mais c'est bien aussi. La séparation, moi, j'ai horreur de ça, la séparation, j'ai horreur de ça. Mais à chaque fois que je l'ai vécu, au début, je la vivais mal, et puis après, ce mal, il devenait nécessaire, si tu veux. Oui. Et tu t'épouses cette situation, et tu grandis à travers cette situation. Tout à fait, tout à fait. C'est bien d'avoir des moments de recul, seul. Complètement. Et t'as vu comme t'as été prolixe là sur le site, c'est bien. Bon, on se fixe. Ouais, bah justement, j'ai mon agenda là. Jeudi prochain, j'ai un rendez-vous à 15h. Ah. Ça va être compliqué. Mercredi. Alors mercredi. Ou mardi. Attends, mercredi, c'est compliqué. Mardi, ça me paraît bien, mardi. Un peu tôt, parce qu'on va pas avoir trop le temps de travailler. Mais mardi 24, on peut dire 15h si tu veux. Ça te tirait mardi 24, 15h? On fait, c'est bon. Mais, alors attends, je te laisse pas partir comme ça, toi. Jardin merveilleux. Attends, je note. On doit travailler sur l'orientation. C'est exact. Attends, qu'on définisse bien le thème de travail. Quelle orientation pour le jardin merveilleux, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'on va avoir le temps de fournir quelque chose? Ben écoute, moi, parce que j'ai une vie un peu chargée en ce moment. Et cette vie qui est chargée, grâce à toi, je respire, j'ai ma petite heure ou mon heure et demie ou mes 2 heures de... D'évasion. D'évasion et de vrai bonheur. Tu vois, de vrai bonheur, je te le dis comme je le pense. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'être aussi prolixe pour l'orientation du jardin merveilleux, mais on va s'y employer. Hein? Mais la question est la même pour moi, hein? Mais ça ne fait rien. On prend un rendez-vous de principe et on verra. Voilà. Parce que je pense que Sylvie viendra dès le vendredi. En fait, donc c'est pour ça que je t'ai pas proposé vendredi parce que ça va être un peu un peu au four et au moulin, quoi. D'accord. Bon, écoute, elle pourra pas venir là. Elle pourra pas venir parce que on est confiné jusqu'au 30 novembre. Elle peut venir déjà jusqu'à Nanterre. Voilà, c'est à nous en fait de trouver une bonne raison pour. Mais la Providence peut aussi la fournir cette bonne raison. Bon, on va voir. Hein. Bon, alors on croise les doigts, hein. On n'est pas sur le merveilleux pour rien. Hein. Exactement. Et puis on rigole pas avec le merveilleux. Bon, un grand merci à toi. Je nous ai enregistré. Oui. Je vais mettre cet enregistrement, si tout s'est bien passé, sur notre podcast. Je vais t'envoyer le podcast. Et le lien, moi, pour aller au podcast, tu me diras si ça marche ou pas, parce que je ne l'ai encore jamais fait. D'accord. Et moi, de mon côté, je vais faire un petit mot pour Roderick. Oui. Pour voir déjà où est-ce qu'il en est, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas, oui. Je l'ai pas eu, ni par écrit, ni par la voix. Oui. Donc, ça sera l'occasion, et je te mettrai en copie. Ah, c'est super sympa. Et moi, je te mettrai, puisque j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus cohérent, mon petit propos sur le jardin merveilleux, sur l'arbre de vie. Très bien. Comme ça, super. Ça pourra étayer ton sur le drive, là, ta note que j'enregistre à chaque fois sur le drive. D'accord, ça hein? marche. Salut à toi. À bientôt. Ciao. Salut. Alors, voilà. Hop.